La doublette à venir dans l'aspect française, encore une petite nouveauté, mais tout d'abord Corpus Diabolis, une formation qui nous vient de Marseille, qui officie dans le black metal vraiment à la sauce occulte. On est sur un black ésotérique assez chiadé, les titres font de 5 à 10 minutes, un album plutôt généreux, hein, de quasiment une heure, une sortie Les Acteurs de l'Ombre. On va pouvoir rapprocher ça de la sauce, de la scène black metal orthodoxe à la sauce suédoise. Et voilà, façon Funeral Mist et haute Offer Mode. On a des passages vraiment atmosphériques, incantatoires, et à côté de ça, des tapis de blast en veux-tu en voilà, vraiment le black metal viscéral. Behold the Monkey, ensuite une toute récente formation qui nous vient de Nantes. On est sur du stoner rock formé en 2003, c'est vraiment tout neuf. Un petit EP de 3 titres vient de voir le jour, ça permet de respirer un peu dans la diff de ce soir. Ça sonne groovy, fuzzy, c'est une femme qui tient le micro, et bah, pour une première production studio, c'est juste trop bien. Je suis tombé sur ce groupe complètement par hasard, détour d'une soirée chez un copain. Je me suis dit, tiens, en plus c'est tout neuf, et ben, ce serait dommage de ne pas le diffuser dans l'émission. Corpus Diabolis, Menstruum Congressus, extrait de l'album Elixiria Ectasis. Behold the Monkey, le morceau Cloberala, extrait de l'EP The Incoming. C'est parti. We'll be right back. On continue tranquillou la diff de l'émission de ce soir avec un autre groupe qui nous vient de France. Le dernier, après on repart sur la diff internationale. Alchemia, on est sur du black qui nous vient de Lille. Le premier album studio vient de sortir chez Malpermisita Records. 5 titres, les morceaux font de 5 à 11 minutes. Une œuvre globalement bien remplie. Forte influence de la scène à la fois polonaise et suédoise. On est sur un black assez hypnotique hein, au niveau des rythmiques avec une grosse mélodie. Et par-dessus tout ça, on a vraiment cette grosse base typiquement black metal française. C'est intense, c'est furieux. Au niveau du line-up, le bassiste et le vocaliste de Asyard. Et on retrouve également un guitariste de Nirnaes. Voilà. Au niveau de la consanguinité, encore une fois, de la scène black française. Alchemia, voilà une nouveauté à découvrir avec grand intérêt. Changement radical de style, et là on décolle pour les US avec Final Resting Place. On est sur du Brutal Death Hardcore, formé par des icônes déjà bien expérimentées, puisqu'on retrouve des membres de Sanction, Vomit Force et autres Simulacra. Le premier EP vient de sortir via Days Records, c'est une caisse claire Tefal absolument parfaite, c'est massif, c'est brutal, ça dégouline les années 90. Il y a zéro tendresse tout au long de ces 15 minutes de musique. Au niveau des morceaux choisis, Alchemia, le morceau Toxicon, extrait de l'album Abraxas. Final Resting Place, Medine Reflection, extrait de l'EP Prelude to Extinction. Et tout ça, c'est déjà dispo. C'est parti. Yeah. Doublette suivante, on continue donc sur la diff internationale Slime Lord et Quantique Lépreux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les présentations de ces deux formations ? Slime Lord, c'est du Doomdeath qui nous vient de Leeds en Angleterre, actif depuis seulement 2019. Le premier effort studio vient de sortir chez 20 Buckspin, après quand même une rafale de 3 EP, groupe hyper prolifique. Des compos qui font de 5 à 8 minutes, on est sur du Swamp Death Metal, une musique qui pue les marécages, la fange, c'est dégueulasse à souhait, c'est même hallucinatoire parce qu'on a une grosse vibe psyché dans les intentions de riffing. Les lignes vocales sont baveuses et dégoulinantes, vraiment à la Undergang. Et puis on a même ce côté un peu ultra gut gruik qui nous rappelle certains groupes de slam. Voilà, une recette bien suffocante, violente. Et puis voilà, c'est un bon petit voyage dans les marécages putrides. Quantique Lépreux, là on est sur quelque chose de beaucoup plus classieux. Le métal noir québécois, actif depuis une dizaine d'années. Troisième effort studio qui vient tout juste d'être démoulé. 6 titres pour une quarantaine de minutes d'un black typiquement québécois, c'est froid, c'est rugueux, c'est mélancolique, c'est une musique hyper intense. Le line-up, on le présente plus, il y a des icos de chez Chasse Galerie, Délétère, Fortress, etc., etc. Un disque solide et inspiré, mené d'une main de maître par des icos bien expérimentés. Au niveau des titres choisis, on va pouvoir s'écouter Slime Lord, le morceau de Beaconing Bell, extrait l'album Cryptodomycosis Relinquished, Quantique Lépreux, par la gueule des fantômes, extrait de l'album Le Bannissement. C'est parti. Dernière véritable doublette dans l'émission de ce soir, puis on s'écoutera encore un petit titre derrière pour le plaisir. Amford et Siverus, on va finir l'émission de manière plutôt musclée. Amford tout d'abord, un groupe qui nous vient des îles Féroé, actif depuis une quinzaine d'années. Le troisième effort studio vient de sortir, 6 ans après le dernier. On est sur du doom death mélodique qui tend parfois vers du funeral doom, avec une grosse base épico-mélodique, des textes chantés en féroïen, et voilà, toujours des lignes vocales à la fois claires et grôlées. Hyper riche la musique de Amford, et ça tend forcément vers une inspiration de la scène black venue d'Islande. Siverus ensuite du Black Name Death Doom qui nous vient de Californie, pareil récente formation active depuis 2019, c'est le second effort studio qui vient de sortir, chez un label qu'on adore, 20 Buckspin. Des compos qui vont de 5 à 10 minutes, des vocaux hyper imposants, c'est à la fois violent, rampant, et ça va tranquillement se loger entre un Blood Incantation, Spectral Voice, avec le côté justement décalé, violent, baveux d'un Grève Miasma. Au niveau des titres qu'on va pouvoir s'écouter tout de suite, Amford, le morceau Abeyer, extrait de l'album Men Goods Understerk, tout ça c'est déjà dispo, Siverus, Shrouded in Crystals, extrait de l'album Maze and Vi, c'est parti. Et enfin, pour se dire au revoir dans l'émission de ce soir, parce que l'album il est beaucoup trop cool, parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on l'attendait, et parce que c'est un candidat ultra sérieux au meilleur album de death metal de cette année 2024, on va se quitter avec un dernier titre de Brodequin, l'album Harbinger of Woe, qui est sorti le 22 mars chez Season of Mist. On va se quitter avec le titre Suffocation in Ash. Ah, une tartine de douceur avant de se dire au revoir. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne fin d'émission. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission en direct. Ciao, ciao.